Chapitre 71e, la vie revient. Cependant, tandis que Rousseau croyait avoir assuré complètement son malade, et que Thérèse racontait à toutes ses voisines que grâce aux prescriptions du savant médecin, M. de Jussieu, Gilbert était hors de tout danger, pendant cette période de confiance générale, le jeune homme courait au pire danger qu'il courut par son obstination et ses perpétuelles rêveries. Rousseau ne pouvait être tellement confiant qu'il eût au fond de l'âme une défiance solidement étayée sur quelques raisonnements philosophiques. Sachant Gilbert amoureux, et l'ayant surpris en flagrant délit de rébellion aux ordonnances médicales, il avait jugé que Gilbert retomberait dans les mêmes fautes s'il avait trop de liberté. Rousseau donc, en bon père de famille, avait fermé plus soigneusement que jamais le cadenas du grenier de Gilbert, lui permettant in petto d'aller à la fenêtre, mais l'empêchant en réalité de passer la porte. On ne peut exprimer ce que cette sollicitude, qui changeait son grenier en prison, inspira de colère et de projets à Gilbert. Pour certains esprits, la contrainte est fécondante. Gilbert ne songea plus qu'à André, qu'au bonheur de la voir et de surveiller, fussent de loin, les progrès de sa convalescence. Mais André n'apparaissait pas aux fenêtres du pavillon. Nicole seule, portant ses tisanes sur un plat de porcelaine, M. de Tavernet, arpentant le petit jardin et prisant avec fureur, comme pour éveiller ses esprits, voilà tout ce que voyait Gilbert quand il interrogeait ardemment les profondeurs des chambres, les épaisseurs des murs. Cependant, tous ces détails le tranquillisaient un peu, car ces détails lui révélaient une maladie, mais non une mort. Là, se disait-il, derrière cette porte, ou derrière ce paravent, respire, soupire et souffre celle que j'aime avec idolâtrie, celle qui, en se montrant, ferait couler la sueur de mon front et trembler mes membres, celle qui tient mon existence et par qui je respire pour nous deux. » Et là-dessus, Gilbert, penché hors de sa lucarne de façon à faire croire à la curieuse Chon qu'il s'en précipiterait 20 fois dans 1 heure, Gilbert prenait, avec son œil exercé, la mesure des cloisons, des parquets, la profondeur du pavillon, et s'en construisait dans son cerveau un plan exact. Là devait coucher M. de Tavernet, là devait être l'office et la cuisine, là la chambre destinée à Philippe, là le cabinet occupé par Nicole, là enfin la chambre d'André, le sanctuaire à la porte duquel il lui donnait sa vie pour demeurer un jour à genoux. Ce sanctuaire, d'après les idées de Gilbert, était une grande pièce du rez-de-chaussée commandée par une antichambre et sur laquelle mordait une cloison vitrée, cabinet présumé où Nicole avait son lit, selon les arrangements de Gilbert. « Oh !» disait le fou dans ses actes de fureur envieuse, « heureux les êtres qui marchent dans le jardin sur lequel plonge ma fenêtre et celle de l'escalier. Heureux ces indifférents qui foulent le sable du parterre. Là, en effet, la nuit, on doit entendre se plaindre et soupirer, mademoiselle André. » Du désir à l'exécution, il y a loin. Mais les imaginations riches rapprochent tout. Elles ont un moyen pour cela. Dans l'impossible, elles trouvent le réel. Elles savent jeter les ponts sur les fleuves et appliquer des échelles aux montagnes. Gilbert, les premiers jours, ne fit que désirer. Puis il réfléchit que ces heureux tant enviés étaient de simples mortels doués comme lui-même, de jambes pour fouler le sol du jardin et de bras pour ouvrir les portes. Il en vint à se représenter le bonheur qu'on éprouverait en se glissant furtivement dans cette maison défendue, en frôlant de son oreille les persiennes par lesquelles le bruit de l'intérieur filtrait. Chez Gilbert, c'était trop peu d'avoir désiré. L'exécution devenait immédiate. D'ailleurs, les forces revenaient avec rapidité. La jeunesse est féconde et riche. Au bout de 3 jours, Gilbert, la fièvre aidant, se sentait aussi fort qu'il n'avait jamais été. Il supputa que Rousseau l'ayant enfermé, une des plus grandes difficultés se trouvait vaincue, la difficulté d'entrer chez mademoiselle de Tavernet par la porte. En effet, la porte ouvrait sur la rue Coqueron. Gilbert, enfermé rue Plâtrière, ne pouvait aborder aucune rue, partant n'avait besoin d'aller ouvrir aucune porte. Restaient les fenêtres. Celle de son grenier donnait à pic sur 48 pieds de mur. À moins d'être ivre ou tout à fait saoul, nul ne se fût risqué à descendre. « Oh, ces portes ont de belles inventions néanmoins !» se répétait-il en rongeant ses poings, et M. Rousseau, un philosophe, me les ferme. Arracher le cadenas, facile oui, mais plus d'espoir de rentrer dans la maison hospitalière. Se sauver de Lucienne, se sauver de la rue Plâtrière, s'être sauvé de Tavernet, toujours se sauver, c'était prendre le chemin de n'oser plus regarder une seule créature en face. sans craindre un reproche d'ingratitude ou de légèreté. Non, M. Rousseau ne saura rien. » Et accroupi sur sa lucarne, Gilbert continuait. « Avec mes jambes et mes mains, instrument naturel à l'homme libre, je m'accrocherai aux tuiles, et en suivant la gouttière, fort étroite, il est vrai, mais qui est droite, et par conséquent le plus court chemin d'un point à un autre, j'arriverai, si j'arrive, à la lucarne parallèle à la mienne. Or, cette lucarne est celle de l'escalier. Si je n'arrive pas, je tombe dans le jardin, cela fait du bruit, on sort du pavillon, on me ramasse, on me reconnaît, je meurs beau, noble, poétique, on me plaint, c'est superbe. Si j'arrive, comme tout me le fait croire, je file sous la lucarne de l'escalier. Je descends les étages pieds nus jusqu'au premier, lequel a sa fenêtre aussi sur le jardin, c'est-à-dire à 15 pieds du sol. Je saute. Hélas, plus de force, plus de souplesse. Il y a un espalier pour m'aider. Oui, mais cet espalier au grillage vermoulu se brisera. Je dégringolerai, non plus tué, noble et poétique, mais blanchi de plâtre, déchiré, honteux, et avec l'apparence d'un voleur de poire. C'est odieux à penser. Monsieur de Tavernay me fera fouetter par le concierge ou tirer les oreilles par l'abri. Non, j'ai ici 20 ficelles, lesquelles unies font une corde, d'après cette définition de Monsieur Rousseau. Les fêtus font la gerbe. J'emprunte à Madame Thérèse toutes les ficelles pour une nuit, j'y fais des nœuds, et une fois arrivé à ma bienheureuse fenêtre du premier étage, j'accroche la corde au petit balcon ou même au plomb et je glisse dans le jardin. La gouttière inspectée, les ficelles détachées pour être mesurées, la hauteur prise avec l'œil, Gilbert se sentit fort et résolu. Il tressa ses cordes de façon à faire de toutes ses ficelles une corde solide. Il essaya ses forces en se pendant à une solive du Galta, et heureux de voir qu'il n'avait vomi qu'une fois le sang au milieu de ses efforts, il se décida pour l'expédition nocturne. Afin de mieux tromper M. Jacques et Thérèse, il contrefit le malade et garda le lit jusqu'à 2 heures, moment où, après son dîner, Rousseau partait pour la promenade et ne rentrait plus que le soir. Gilbert annonça une envie de dormir qui durerait jusqu'au lendemain matin. Rousseau répondit que, soupant le soir même en ville, il était heureux de voir Gilbert en des dispositions si rassurantes. On se sépara sur ces affirmations respectives. Derrière Rousseau, Gilbert détacha de nouveau ses ficelles et les tressa pour tout de bon cette fois. Il tâtonna encore la gouttière et les tuiles, puis se mit à guetter dans le jardin jusqu'au soir.